Ils m'ont souhaité longue vie, je leur ai souhaité la mort. Je tue pour mon pote, l'amitié c'est mieux que l'amour. Coffre. Le soir je dors pas, je demande à ma femme de compter les couteaux plantés dans mon dos. Je parle à des gens qui connaissent l'avenir, ce que je vais devenir et les chiffres du loto. Ils veulent me faire, j'ai des échos. Donc moi je me fais aussi rare que la pure. J'ai 2-3 problèmes, 2-3 calaches. J'ai de quoi faire fleurer ta grand-mère la pute. Plus d'arrangement, y'a du sang qu'à couler. Je me roule le cerf, je pense au poteau poulet. Je connais la proc, je vais dans la drogue. En ce moment j'ai du shit, c'est la frappe à couler. 200 kilos, go fast en Uber. Je vengerai mon père, tout ce qu'il a souffert. Le drapeau est vert, RG mon frère. Mon prénom écrit sur les portes de l'enfer. Non, tu évolues, je vais t'apprendre un truc. La zig c'est péché que tu sois conscient ou pas. Au jugement dernier, tu feras pas appel. On goûtera aux flammes, tu sois content ou pas. Ben ouais mon gros, je reste tout seul. Ma mère la pute si je me mélange à eux. Je sais que t'es une pute, je sais que tu me mens. Quand je te parle frère, regarde-moi dans les yeux. Si je t'appelle, faudra vite que tu viennes. C'est plus pareil si je viens te chercher. Par contre, je vais te laisser par terre et partir. Ne m'appelle pas mon frère, salope, t'es pas RG. Je suis conscient des péchés que je récolte. Je suis pas tout seul, j'ai mon gun et mon code. Je suis pas qu'en charge, j'ai mes sous et mon compte. Je rentre pas en sol car le proc c'est mon pote. Parole de coffre. Y'a qu'avec une femme que bonhomme s'affaiblit. Mon cœur n'est plus là, moi je suis que zombie. Des fois je chède, mais des fois j'oublie. Je connais ta mère, t'es capable de me faire. Je prie le Seigneur pour qu'on te fasse avant. J'arrive dans le game, je leur dis ce que je pense. Et les mecs qui m'écoutent se prennent pour des savants. Je suis pas tout seul, j'ai des armes et des frères. Alonso m'a dit, Fred, faudra que tu les choques. Le mec qui m'a hagar avant, il est mort. Je me dis qu'au fond, Dieu fait très bien les choses. T'as voulu manger, mais t'as creusé ton trou. T'as quitté la terre parce que t'en voulais trop. À l'époque, c'était chaud. Tellement la haisse, j'aurais pu signer pour 25 euros.